et la fête. Le canard marche sur la route. « Où vas-tu ? » dit le coq. « Je vais à une fête, » dit le canard. Le coq suit le canard. « Je viens avec toi, » dit le coq. « J'aime les fêtes. » Le coq et le canard marchent sur la route. « Je ne vois pas de fête, » dit le coq. « Où est la fête ?» Le canard voit une caverne. « Entrons, » dit-il. « La fête est dans cette caverne. » Le canard entre dans la caverne. Le coq entre dans la caverne. « Grrr, je sors de là, » dit le coq. « Grrr, je sors de là, » dit le canard. Le canard vole jusqu'à l'arbre. « Coq, monte ici, » dit-il. « La fête est dans cet arbre. » Le coq regarde le canard. « Va à la fête, » dit le coq. « Je vais à la maison. »